Le contact est-il toujours comme quelque chose qui nous parle, pas nécessairement, ou ça peut être juste le fait d'avoir, oui, et savoir instantanément, c'est ça, la lucidité est-elle une expression du contact? Et oui, voilà, c'est parfait. C'est vraiment parfaitement bien dit. Votre réponse est dans la question. D'ailleurs, c'est ça le contact. Vous savez, là, quelqu'un qui est sur le contact et qu'il ne sait pas, il se pose plein de questions. Quelqu'un qui est sur le contact puis qu'il le sait, il reçoit plein de réponses à mesure qu'il se pose des questions. Il a autant de réponses que de questions. Parce qu'il sait que c'est un phénomène polarisé, ces formes-là. Que c'est juste l'intellect qui formalise l'énergie psychique. Donc, c'est subtil, puis ça ne l'est pas non plus. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est pour ça là, que Savez-vous, les gens que je trouve les plus difficiles à être capable de percevoir ces phénomènes-là, c'est les gens très, très intellectuels. C'est incroyable. Comme par exemple, je vais leur dire, non, t'es trop psychologique, puis la personne va me répondre, c'est toi qui es psychologique. Puis là, je me rends compte, la personne ne comprend pas ce que je veux dire par psychologique parce qu'elle intellectualise. L'intellect peut pas se voir lui-même. Le psychologique peut pas se voir lui-même. C'est comme j'ai déjà dit, c'est comme quelqu'un qui resterait dans une maison puis qui penserait voir la maison de l'extérieur, la façade, ça peut pas être objectif.